Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Après une courte absence, Feu de camp revient avec un nouvel épisode rempli de sagesse et de philosophie. Notre invité du jour s'appelle Sylvain et a choisi l'Asie du Sud-Est pour son premier voyage. Un beau périple de 7 mois à travers la Malaisie, le Laos, le Cambodge et bien d'autres endroits. Qu'en a-t-il retiré ? Comment vit-on le passage d'un quotidien sédentaire à une vie de nomade pendant 7 mois ? Je laisse la parole à Sylvain. Merci à lui de venir se confier au micro de Feu de camp. Eh bien, je m'appelle Sylvain Petrop, je vais bientôt avoir 41 ans au mois de juin, et de formation je suis électricien, métier que je pratique toujours en dehors de mes voyages. Je ne suis pas né dans une famille de voyageurs, ni d'aventuriers, ni même de sportifs. C'est plus quelque chose qui est venu de façon autodidacte. Mais par contre, depuis tout petit, j'ai grandi à la campagne et j'ai toujours eu le goût de l'exploration. Donc ça a commencé par les bois et les champs autour de chez moi. Et puis petit à petit, j'ai grandi et j'en suis venu à faire pas mal de montagnes, et notamment de l'alpinisme. Puis en continuant comme ça, j'ai eu un amour de plus en plus fort et important pour la nature, la découverte et les gens. Donc naturellement, j'avais envie de voyager. Bon, ça s'est jamais concrétisé parce que j'ai eu aussi des passions et des activités professionnelles qui m'ont beaucoup sollicité en France. Et finalement, ça s'est concrétisé en 2016 avec mon premier voyage en Asie. Ce qui m'en a donné l'envie et puis la motivation première, c'était de rendre visite à mon ami Nathanaël qui s'est expatrié à Singapour il y a quelques années. Donc j'avais très envie qu'on se revoie et puis qu'on revive des expériences ensemble. Et puis, plutôt que de passer seulement 15 jours à l'autre bout du monde, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de construire un voyage à une dimension plus longue en termes de temps. Donc j'ai mis en place tout ce qu'il fallait d'un point de vue professionnel pour me laisser du temps. Et finalement, je suis parti et je suis resté 7 mois en Asie du Sud-Est. J'étais jamais sorti de la France. J'avais jamais pris un avion de ma vie. Je connaissais rien de rien. J'avais même plus de carte d'identité. Je l'ai perdue à 17 ans, ma carte d'identité. J'ai jamais fait refaire. J'avais pas de passeport. J'avais absolument rien. Pour moi, l'aventure, ça a commencé à l'aéroport de Saint-Exupéry, parce que j'avais jamais pris d'avion de ma vie. Je parlais pas un mot d'anglais, je savais pas comment ça fonctionnait un terminal d'avion. Vous vous retrouvez du jour au lendemain propulsé à Dubaï, dans un aéroport où vous avez un métro à l'intérieur pour vous déplacer. C'est déjà une aventure. Et ça allait crescendo, crescendo. Je suis arrivé à Singapour, j'ai rejoint mon ami Nathanaël, et puis le lendemain, on reprenait un avion et on partait en Indonésie pour les îles Togian. C'est un archipel qui est au large de la Sulawesi. C'est une grande île qui est à l'est de Bornéo, pour situer. J'aime beaucoup explorer différents types de biotopes, donc je connais bien la montagne, et puis là j'avais l'envie de connaître la jungle tropicale, et puis les espaces sous-marins. Donc j'ai passé mon diplôme de plongeur. C'était important pour moi de connaître ce milieu subaquatique. On a passé aussi un petit peu de temps dans la jungle. Nathanaël est un spécialiste des serpents. Il passe beaucoup, beaucoup de temps en exploration dans la jungle. Donc il m'a fait connaître aussi cet environnement. Et puis ensuite, après cette dizaine de jours, on est rentré à Singapour. Et là, je suis resté une grosse semaine pour visiter, profiter aussi de mon ami. En partant à Singapour, moi, je savais dans quel pays je voulais aller. Mais c'était tout, hein. C'était une feuille blanche pour moi, cette histoire. Et là, j'ai pris un peu toutes les cartes d'Asie du Sud-Est et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est logique en termes de trajet géographique pour traverser ces pays? Donc je me suis donné, encore une fois, une espèce de ligne de conduite en me disant, bah tiens, ce serait chouette d'aller voir ça, d'aller ici, etc. Et au bout de cette semaine, eh ben, c'était le moment pour moi de commencer mon voyage seul à travers l'Asie. Je suis parti de Singapour en bus et puis je suis monté au nord en Malaisie. Et là, bon, bah, j'ai traversé du sud jusqu'au nord en utilisant les moyens de transport locaux, hein, c'est-à-dire les bus, les slowboats, des ferries pour rejoindre certaines îles. Et puis l'idée, c'était de mixer la découverte d'espaces naturels, des parcs nationaux, mais aussi culturels, visiter des musées, échanger avec les locaux, être en immersion dans le pays. Donc j'ai passé à peu près un mois en Malaisie. Pour le coup, j'étais tout seul et je connaissais rien de rien. L'anglais malais, c'est pas l'anglais qu'on apprend à l'école, hein. Il y a des prononciations qui sont très différentes. Donc déjà, juste pour savoir si tu étais dans le bon bus, c'était déjà jamais vraiment sûr. Puis après, à 11h du soir, le bus, il s'arrête comme ça au milieu d'une rue et il te dit, le gars, c'est ici, quoi. Toi, du coup, t'es jamais sorti de Bourg-en-Bresse, t'es en Malaisie, à l'autre bout du monde, en pleine nuit, et t'es là, et t'as rien, t'as pas d'hôtel, t'as rien de prévu, voilà. Donc voilà, ça c'est le gros côté aventure. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu te dises, bon, ça va, je suis en bonne santé, j'ai juste à me trouver un endroit où poser mon hamac, demain il fera jour, puis on verra. Donc ça s'est fait un peu comme ça au début, vraiment très très à l'arrache quoi. Et puis après, au fur et à mesure, je devenais de plus en plus organisé, je commençais à mieux comprendre comment ça marchait avec les bus, les moyens de transport, tout ça. Et puis, arrivé à l'extrême nord de la Malaisie, ben, je suis passé naturellement à l'extrême sud de la Thaïlande. Et dans le même schéma et dans les mêmes idées, eh ben, j'ai traversé et j'ai visité la Thaïlande, cette fois-ci aussi encore, du sud au nord. En arrivant de la Thaïlande, je suis arrivé au Laos. Et du nord du Laos, je suis allé jusqu'à Luang Prabang en slowboat sur le Mékong. Donc 2 jours de bateau lent comme ça. C'était aussi une belle immersion et puis une façon d'être encore une fois dans la lenteur. Voilà, c'est ici que se termine le long voyage du Mékong, près de 5 000 km depuis les plateaux du Népal, pour finalement plonger dans l'océan. On est au bout du bout. La largeur du Mékong, c'est impressionnant, impressionnant. C'est fabuleux. Chacun sa route, chacun son chemin. Lui, il a fait un long chemin pour arriver là. Un peu comme moi d'ailleurs. Cette mangrove, c'est fou. C'est fou cette nature. Un mois aussi au Laos, cette fois-ci du nord au sud. Et puis une fois que j'arrivais dans une ville, alors là, je privilégiais au maximum le vélo. Je louais un vélo ou je faisais de la marche à pied. Quand je voulais vraiment aller dans des sites un peu éloignés, bah là, je louais un scooter ou une moto. Puis c'était l'occasion aussi de me faire un road trip un peu sympa. Donc j'ai beaucoup découvert la campagne, les campagnes en Asie grâce à ces modes de transport tout simples. Autant que je pouvais, quand j'étais en pleine nature, je privilégiais de dormir dehors parce que c'est ce que j'aime aussi. Quand j'étais en ville, quand c'était moins possible, je prenais des dortoirs parce que aussi c'était l'occasion bah, de développer un contact social. C'était pas que pour le côté pratique. Puis tu pouvais prendre une douche, tu pouvais te connecter au Wi-Fi, donc donner des nouvelles. Il y a quand même les gens que tu aimes qui te manquent. Même avec les moyens technologiques, on peut s'appeler par appel vidéo, mais c'est quand même pas comme la vraie présence humaine. On sent pas ce truc, quoi. 7 mois pour un premier voyage à l'étranger seul, c'est quand même long. Même si on aime la solitude, sur un temps comme ça, il y a quand même des moments où tu te sens bien seul, ouais. J'ai passé le jour de Noël et je crois le jour de l'an au Laos. C'était pour moi la première fois de ma vie que je passais les vacances de fin d'année, pas en famille et aussi loin, etc. Dans un pays en plus qui me rappelait un peu la France. Et là, j'ai eu un peu le mal du pays et la nostalgie des gens que j'aime. La seule façon ben, de passer un petit peu ces moments de solitude, Pour moi, c'est pas d'oublier les gens que j'aime, mais c'est au contraire d'y penser, de repenser à toutes les belles choses et de peupler mon monde intérieur avec ces personnes-là. Voilà. Et ça m'a aidé à passer la solitude. Il n'y a pas la présence physique, mais ils sont quand même dans ton cœur. Et donc, du coup, ça réchauffe. À l'extrême sud du Laos, il y a une région qui s'appelle les 4000 îles, qui est la frontière entre le Laos et le Cambodge. On traverse le Mékong et puis on arrive au Cambodge. À l'extrême nord du Cambodge, là, c'est un peu plus compliqué pour faire un voyage linéaire du nord au sud et qui soit intéressant. Parce que le Cambodge, c'est un pays qui est large. Donc là, j'ai fait une espèce de S du nord au sud pour visiter notamment les temples de Angkor, qui sont un lieu absolument magique et fantastique. Au bout d'un mois, je suis arrivé à l'extrême sud-est du Cambodge. Je suis passé au Vietnam. Ça, c'est un pays qui est tout en longueur. Donc ça a été très simple quelque part géographiquement et très logique de remonter du sud au nord du Vietnam jusqu'à Hanoï. Mon visa se terminant, je me suis posé la question si je faisais une prolongation de visa pour continuer parce que j'aurais bien voulu visiter le nord du Vietnam. J'avais la possibilité d'aller faire une mission de bénévolat dans un orphelinat au Myanmar. Alors le Myanmar, c'est le nouveau nom de la Birmanie. Donc finalement, j'ai opté pour ce choix et je suis reparti cette fois-ci en avion de Hanoï jusqu'à Singapour chez mon ami. J'ai passé une semaine pour préparer les démarches administratives et préparer mon départ pour le Myanmar. Ça fait 7 ou 8 pays différents quand même visités en 7 mois dans cette Asie du Sud-Est. Globalement, il y a le même tronc commun culturellement dans toute l'Asie du Sud-Est, hein. Après, il y a des différences locales, évidemment, mais on retrouve quand même toujours un peu la même culture asiatique, hein. C'est pas le jour et la nuit, par exemple, entre le Laos et la Thaïlande, ou, voilà. La Malaisie, par exemple, c'est un pays qui est musulman. Quand on passe en Thaïlande, on voit bien encore l'influence musulmane dans le sud de la Thaïlande. Et après, dès qu'on arrive au milieu de la Thaïlande, alors là, c'est fini et c'est vraiment plutôt le bouddhisme. Et là, on vit l'Asie avec l'idée qu'on s'en fait, nous, en tant qu'Occidentaux. Ben, finalement, les Malais, ils vivent pas du tout comme les Thaïlandais. Voilà. Mais après, Thaïlande, Laos, Cambodge, on retrouve quand même la même forme de tronc commun culturel. Vietnam aussi, mais le Vietnam, c'est déjà un pays qui est plus, entre guillemets, occidentalisé. Ça va plus vite, c'est plus modernisé. Voilà, le Laos, c'est quand même plus campagnard, hein, voilà, le Cambodge aussi. Hormis les grandes zones touristiques, on est un peu. Moi, le Laos, en campagne, ça m'a rappelé. J'ai pas connu, mais ça m'a rappelé ce que je m'imagine de la campagne française il y a 50 ans. Avec la petite ferme, ses poules qui se baladent, etc. Le Vietnam, c'est déjà plus du tout ça. Hein. Voilà. Les Vietnamiens, ils sont quand même plus dans une espèce de conquête à l'occidental, c'est-à-dire ça va vite, il faut faire du business, etc. Il y a un dicton un petit peu comme ça en Asie, on dit que les Vietnamiens, ils font pousser le riz, les Cambodgiens, ils écoutent pousser le riz, et les Laotiens, ils regardent pousser le riz. Voilà, c'est pour dire quand même on n'est pas sur le même état d'esprit, hein. Grosso modo, les Vietnamiens, c'est des bosseurs, il faut avancer. Ils sont plus zen au Laos et au Cambodge. Le slogan du Myanmar, c'est en birman, on dit pie pie le. Ça veut dire slowly, slowly, tranquille, on y va tout doux. On veut bien du changement, mais tranquillement. Ben, l'occidental, c'est très exotique, hein. Donc ils sont curieux, ils viennent te parler. Bon, même s'ils ne parlent pas anglais, on baragouine, on apprend quelques mots de base, on se sert des mains pour parler. Donc il y a toujours un contact qui se fait, et en général, c'est assez chaleureux. Ouais. Moi, j'étais vraiment content de l'expérience humaine en Asie, globalement, dans tous les pays. C'est doublement riche parce que tu rencontres des locaux, mais tu rencontres aussi des gens du monde entier. J'ai pas mal utilisé les dortoirs, les auberges de jeunesse, donc là tu fais des rencontres forcément, tu es à 10, 15 ou 20 dans un dortoir, il y a des gens du monde entier qui sont là, tout le monde parle anglais, donc du coup c'est super riche quoi. Donc on parle de nos expériences mutuelles, il y a souvent des groupes qui se font, et puis bah, à l'occasion tu peux te faire une journée avec des gens que tu rencontres pour aller visiter un truc et ainsi de suite. Donc ça c'était vraiment chouette de vivre certaines journées comme ça avec des backpackers. Et alors, il y a eu des trucs complètement improbables, hein. Par exemple, quand je suis allé au tout début de mon voyage sur les îles Togian, on a pris un ferry, 12 heures de ferry. On se retrouve avec un groupe de Français, et parmi ce groupe de Français, il y avait une Française. On discute ensemble, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on se demande d'où on vient mutuellement. Et en fait, elle vient d'un petit village, Poléa, qui est à 15 km de là où j'habite, à Bourg-en-Bresse. On est à des milliers de kilomètres sur un ferry, hein, et je tombe sur quelqu'un qui habite à 15 bornes de chez moi. Alors ça, c'est fou, mais c'est pas le plus fou. C'est que 5 ou 6 mois plus tard, au Vietnam, après avoir tout fait mon périple, je retombe sur un groupe de Français comme ça, et je tique en regardant une fille, et elle aussi, elle tique en me regardant. Elle me fait, mais on s'est pas déjà vu quelque part? Et c'était cette même fille que j'avais croisée sur le ferry 6 mois avant, hein, complètement improbable. Et alors des trucs comme ça m'est arrivé 2, 3 fois avec d'autres personnes, et notamment je pense là à Robin, un Français que j'ai rencontré au Laos. On s'est retrouvés complètement par hasard au Cambodge, puis ensuite au Vietnam. On n'a jamais pris nos coordonnées, nos numéros de téléphone, mais des fois en pleine forêt, perdus comme ça, on tombait l'un sur l'autre. C'était fou. Et à la cinquième fois, on s'est dit quand même, bah, on va échanger nos numéros de téléphone parce qu'il y a quelque chose là. On a passé 3-4 jours ensemble à Hanoï. C'était super de partager tout ce temps avec un compatriote. Et puis là, aujourd'hui, il est sur Rouen et on est toujours en contact et c'est devenu un ami qui m'est super cher, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'appelle le côté un peu magique et invisible de la vie qui se manifeste comme ça sur des trucs improbables et qui te réchauffe le cœur. En France, je m'investis déjà dans diverses associations comme Handicap Évasion. Donc là, on emmène en randonnée des personnes à mobilité réduite, ou la Bibliothèque Sonore pour enregistrer des livres audio à l'intention des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Naturellement, il y a une idée de donner et de recevoir dans la vie. Si tu veux donner, bah, il faut avoir quelque chose à donner, donc il faut déjà avoir reçu avant, et l'inverse aussi. Donc c'était important pour moi, après tout ce que j'avais reçu, bah, de donner aussi quelque chose là-bas, sur ce continent. C'est des pays, bon, je pense à certains endroits du Laos, il y a des endroits quand même, il y a des villages, c'est pas très joli, hein. T'as des gamins qui sont en train de crever de faim, ou qui se font amputer, ou parce qu'il y a encore la lèpre là-bas, ou parce qu'ils se font péter sur des bombes qui ont été balancées par les Américains. Donc quand tu vois toutes ces horreurs, ben toi tu te sens un peu impuissant. Mais si tu as l'opportunité quelque part de donner un petit quelque chose, ben ça met du sens aussi un peu à ta vie, quoi, tu vois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on met pas un peu de sens dans notre vie, ben on se perd très rapidement. Vinoba Bhave, c'était un ami de l'abbé Pierre, un hindou, et il disait comme ça. Donner à l'autre, c'est comme un bonbon qui est très bon. Donc dès que tu goûtes à ça, bah, tu as envie de recommencer. Et il disait, si quelqu'un il donne un tout petit peu, c'est comme s'il mangeait un tout petit bonbon très très bon. Et donc du coup, après, il va vouloir un bonbon plus gros, hein, et ainsi de suite. Donc donner, ça appelle à donner. On rentre dans un cercle vertueux, mais naturel. Il ne s'agit pas d'être le sauveur du monde, hein. Mais à notre mesure, on peut tous faire un petit quelque chose pour équilibrer ça, recevoir et donner. Donc c'était vraiment, ça coulait de source de faire quelque chose comme ça là-bas. Comme j'avais la possibilité, via cet ami Irénée qui a fondé une association qui s'appelle Aide aux orphelins de Birmanie, il a fondé un orphelinat en Birmanie, actuellement en Myanmar, j'avais en tête, dès le début de mon voyage, de finir ce voyage par une mission bénévole, si c'était possible, dans cet orphelinat. Je l'ai contacté en lui disant, voilà, je suis en Asie du Sud-Est, j'aimerais passer un temps dans l'orphelinat, est-ce que c'est possible? Et finalement, bah, ça s'est concrétisé, ça s'est fait. Au début, j'avais quand même des questionnements, une légère appréhension. La culture, elle est différente. Le Myanmar, c'est un pays qui est récemment ouvert, hein, depuis 2011, qui était sous une junte militaire extrêmement dure. Donc comment ils sont ces gosses? Ce sont des orphelins. Comment tu vas communiquer avec eux? Parce qu'ils parlent anglais, mais un tout petit peu, hein. Et puis finalement, je suis arrivé. Et le premier jour, ben voilà, ils m'ont accueilli en me disant bonjour, très simplement. On a fait le tour un petit peu de l'orphelinat. Ils étaient en train de construire justement un second dortoir. Donc il y avait un peu de travail de maçonnerie, etc. Et puis moi, ayant travaillé dans le bâtiment, ben ça tombait à point nommé. J'ai pris la truelle et puis on a commencé à travailler ensemble. Le fait de faire ça tout à fait naturellement, ça a tout de suite créé des liens dans la simplicité. Et à la fin de la journée, j'étais intégré. Et Mary, elle m'a fait ce beau cadeau de me dire, mais tu sais, nous, on ne te considère pas comme un étranger ici. Hein. On est une famille. Maintenant, tu es dans notre famille, quoi. Hein, c'est tout. Je ne sais pas si c'est de la chance ou si ça s'est fait parce qu'on est mutuellement réceptif. Mais ça s'est fait tout de suite sur de bonnes bases. Ça a fait que s'amplifier. On a vécu au quotidien tout le temps ensemble avec les enfants. On a tout partagé, hein, que ce soit le travail, je leur donnais des coups de main pour la construction, mais aussi pour couper des arbres, pour faire du bois pour le feu. On cuisine avec le feu, ramasser des déchets à droite à gauche. Ils viennent d'un état, l'état de Shan, où il y a une minorité chrétienne. Donc eux, ils sont chrétiens protestants. Le dimanche, on allait à la messe ensemble. Moi, je leur apprenais un petit peu deux, trois mots en anglais, en mettant l'anglais dans le contexte. Et eux, ils m'apprenaient le birman comme ça, donc il y avait un échange aussi. On jouait au foot le soir, puis d'autres jeux un peu de dribble typiquement birman. Manger avec les doigts à l'indienne, préparer les piments, faire la sauce. Enfin. Je leur donnais un petit coup de main pour leurs devoirs en anglais. Après, je leur montrais des vidéos de la France, etc. Donc c'était très simple et en même temps très riche. Quand on allait se prendre la douche, bah, c'était dans un cabanon. Et puis avec une casserole, on se jetait de l'eau sur la tête et puis on se douchait comme ça ensemble, quoi. Donc, on a tout vécu ensemble. Il y a juste un truc, c'est que c'est interdit là-bas pour les locaux d'accueillir chez eux des étrangers. Donc, le soir, j'étais obligé de partir avec mon scooter et d'aller camper un peu caché dans la nature. Parce que là-bas, ça fonctionne avec des leaders qui contrôlent en fait chaque village, région. Et les leaders du village voulaient pas qu'un étranger dorme là parce que c'est une source potentielle de danger. Parce que qui dit étranger dit dollar. Donc, il y a des gens peut-être un peu mal intentionnés qui peuvent vous repérer et du coup vous faire une visite nocturne particulièrement inamicale. Du coup, les leaders voulaient absolument pas qu'un étranger dorme dans le village parce qu'ils ne pouvaient pas assurer ma sécurité et parce qu'en plus je représentais potentiellement un danger pour l'entourage. Donc, je prenais un scooter tous les soirs et je partais dormir en bivouac, planqué à une demi-heure à peu près de l'orphelinat. Et je changeais souvent de bivouac pour pas me faire repérer aussi, voilà. My secret spot. Alors là, il y a mon scooter qui est un peu planqué, mon hamac avec les briques que j'ai ramenées de l'orphelinat. Voilà la végétation qui me planque bien. Et là-bas derrière, il y a encore des arbres pour se planquer plus loin si nécessaire. La route est pas très loin. Du coup, on accède super vite. Et en même temps, on est bien planqué. Bye Le dernier jour, le papa de Mary m'a fait le cadeau de rester avec les gosses pour dormir avec eux dans le même dortoir. Donc c'est un joli cadeau final. Bah aujourd'hui, ces gamins, ils sont un peu comme ma deuxième famille. Donc j'y retourne là dans quelques jours parce que pour moi, c'est normal d'aller visiter ma famille et puis de pourvoir un petit peu à leurs besoins. Je leur ramène des choses qu'on a collectées en France. On essaye de trouver des parrainages aussi pour envoyer des sous, les rendre autonomes financièrement. Voilà, l'investissement maintenant, ça sera toujours. Et puis après ce dernier mois en Asie du Sud-Est, eh ben, j'ai repris un avion qui m'a emmené à Singapour. Et de Singapour, je suis rentré en France après 7 mois d'aventure, de balades, de découvertes et de rencontres dans des pays qui font que ça te sort complètement des habitudes, des carcans et de la bulle occidentale. C'est d'autres mondes, d'autres sociétés, d'autres angles de vue. Je pense que d'avoir vécu un mois au Myanmar, au même endroit, ça a quand même contribué à faire une espèce de transition avec mon retour en France. Parce que c'est vrai que de bouger comme ça tout le temps, comme je disais, tous les 2-3 jours, puis ensuite d'un seul coup revenir en France et se resédentariser violemment, bon, je sais pas ce que ça aurait donné, mais peut-être que ça aurait été plus difficile. Et la phase au Myanmar à l'orphelinat m'a peut-être aidé justement à me poser, à revenir tranquillement sur une sédentarisation de façon plus douce. Quand je suis rentré en France, déjà j'étais très paisible, très serein. Et puis j'avais vraiment envie de rentrer. Après 7 mois, c'était vraiment une envie profonde. Je rentrais déjà en me disant que j'allais être heureux de revoir les gens que j'aime, mais aussi l'environnement, la culture dans laquelle je suis né. on est d'une culture, hein, c'est ça aussi qui nous construit. On a beau aller à l'autre bout du monde, on reste quand même comme on a grandi. Et quand je suis arrivé à Saint-Aix, ce sont mes parents qui sont venus me chercher. Et puis sur la route entre Lyon et Bourg-en-Bresse, ah, j'étais heureux de retrouver cette campagne avec une densité de population très modérée. En Asie, ça grouille de partout. Même au fin fond d'une jungle, il y a plein de monde. Il y a du monde partout, partout. C'est jamais aussi calme qu'en France. La propreté des rues aussi. Bon, l'Asie, on la voit d'une façon belle parce qu'il y a le tourisme et ce qu'on nous en montre. Mais l'Asie, il y a de gros problèmes écologiques, hein. Le long des routes, c'est dégueulasse. Il y a des kilomètres carrés de déchets, de poubelles, de plastique. En France, c'est hyper propre. Il n'y a pas des coups de klaxon toutes les 2 secondes comme en Asie. Voilà, donc tout ça, c'était un bonheur de retrouver cette culture, cet environnement. Et puis les gens que j'aime, oui aussi, évidemment. Je me rappelle que 2 jours après être rentré en France, je suis parti seul et je suis allé me promener dans un lieu de nature que j'apprécie particulièrement, vers la rivière d'Ain. Et j'en avais rêvé quand j'étais en Asie de ce lieu, quoi. On peut être à l'autre bout du monde et voir plein de super belles choses, mais il y a des super belles choses qui sont à notre porte. Et donc on en apprécie encore plus la beauté avec un regard rénové par l'expérience qu'on a eue du bout du monde. On retrouve le plaisir du quotidien avec une vision neuve. Et puis une semaine après que je sois rentré en France, j'ai repris un travail et puis un quotidien. C'était aussi un plaisir pour moi de retourner sur les chantiers et puis de retrouver des petites habitudes, tout ce que je connaissais aussi, parce que ça fait du bien, hein, les choses qu'on connaît aussi. Surtout après 7 mois d'inconnu pratiquement au jour le jour. Donc voilà, je suis pas du tout du genre à me dire il faut voyager, il faut faire que ça. Non, je crois pas. Au contraire, je pense que si on est dans cette optique de refuser le quotidien, de toujours voyager quelque part, il y a peut-être une forme de fuite. Et c'est dommage de vivre le voyage comme une fuite. Le voyage, c'est une richesse, hein. Dans la nature, ça n'existe pas, les monocultures. Je me suis suffisamment baladé dans les forêts tropicales pour me rendre compte que la nature, c'est la diversité, c'est la richesse, c'est le foisonnement, et c'est une complexité qui échappe à l'étalonnage humain. Voyager, ça t'amène à cette complexité. Amener la jeunesse à l'encourager à voyager, à avoir d'autres cultures, d'autres ailleurs, c'est les amener à cette diversité. Donc il y a une forme aussi de tolérance. Sous-jacent, il y a aussi la question des peurs. Si on éduque nos enfants dans une petite bulle comme ça, bien fermée, bien toute propre, etc., le gosse, quand il va sortir de cette bulle, et à un moment ou un autre, il faudra bien qu'il y sorte pour aller se confronter un peu à ce que c'est que la vie. Il risque de connaître de grandes peurs, hein. Au plus tu l'éduques à avoir confiance, à aller vers son prochain, même si son prochain il est très différent de lui-même, et au plus il va être capable de canaliser, d'apprivoiser très jeune ces peurs-là, qui sont finalement naturelles. Je crois qu'il y a une bonne dose de maux dans le monde qui sont dus aux peurs qu'on a du mal à canaliser ou au moins à passer un peu outre. En éduquant les enfants comme ça à cette connaissance plurielle, diverse, on va leur apprendre aussi à canaliser leurs peurs. Et donc à pas avoir peur de son voisin, même s'il est noir. Donc à pas être raciste. Au Myanmar, les gamins, ils n'ont pas peur des serpents, hein. Même ils les butent et violemment. Il a fallu que je leur apprenne à pas tuer les serpents qui n'étaient pas dangereux. Parce qu'ils vivent avec les serpents. Donc ils les connaissent depuis tout petit. C'est important ça, vraiment. Je crois vraiment que si on veut construire un monde qui tourne entre guillemets plus rond, il faut vraiment mettre des moyens dans l'éducation de nos enfants, mais des vrais moyens. Pas juste jeter des sous comme ça dans des administrations et des fonctionnalités stériles. C'est-à-dire que l'éducation, c'est quelque chose de global. On ne peut pas remettre ça juste à un système comme l'éducation nationale ou quoi que ce soit d'autre. C'est quelque chose de beaucoup plus divers, complexe et global. Emmener son gamin dans la forêt, le faire courir au milieu des arbres et puis l'initier à la beauté du monde, c'est une forme d'éducation qui a autant de valeur que de connaître ses tables de multiplication, voire plus. Merci à Sylvain pour ses confidences emplies de philosophie. Comme tous les mois, retrouvons nos recommandations culturelles. Sylvain commence en musique en vous invitant à découvrir la grande sarabande de Handel, ainsi que le canon pour cordes et basses continue en ré majeur, interprété par Carol Touch. Pour la première fois dans Feu de camp, il vous propose également la lecture d'un poème écrit par Alfred de Vigny et intitulé « La mort du loup ». Allez, pour attiser votre curiosité, je vais vous en lire le début. Les nuages couraient sur la lune enflammée. Comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Enfin, Sylvain retourne à ses premières amours et vous recommande de vous intéresser à la vie de Patrick Béraud, un célèbre alpiniste français qui a profondément régénéré la pratique de ce sport. Dans les années 80, il a même inventé une nouvelle discipline, la danse escalade. Rendez-vous dans quelques jours sur les réseaux sociaux de Feu de camp pour plus d'informations sur cette personnalité. Voilà, l'épisode du mois de mai est maintenant terminé. Une nouvelle fois, merci à Sylvain d'avoir partagé son expérience très inspirante avec nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Feu de camp.